La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Jeanne d'Arc, une rencontre. Épisode 5. Jeanne retrouvée. Quel est le point commun entre une jeune afghane et une poétesse japonaise? Entre une auteure de science-fiction américaine et une costumière? Entre une académicienne et un célèbre chanteur pop? Jeanne d'Arc. Après avoir fouillé les lieux de mémoire et l'histoire de Jeanne, après avoir enquêté sur ses introuvables reliques et sa récupération politique, c'est finalement à des hommes et des femmes sous influence que j'ai décidé de m'adresser. Mon odyssée m'emmène ainsi dans des contrées imaginaires, aux côtés des artistes qui tressent à Jeanne des fictions et des chansons, et qui, plutôt que de garder jalousement ses cendres dans une urne, lui redonne vie, la réinvente. Mon premier rendez-vous est avec celle qui est peut-être la plus radicale des enfants de Jeanne d'Arc, la jeune dramaturge Gwenaëlle Soublin, auteur d'une pièce intitulée « Pucelle ». Clic, menu. Clic, téléchargement. Clic, zip. Clic, les lois sacrées .pdf. Clic, affichage. Clic, plein écran. Les lois de l'union sacrée .pdf. Autour de nous, l'humanité souffre. Nos cœurs saignent. Chaque jour, nous versons davantage de larmes. Pourquoi sommes-nous si tristes? Où est passé l'amour, l'espoir? Pourquoi la colère nous divise? Que ferons-nous demain? Pour retrouver la joie, nous savons qu'il faut tout recommencer. Ne plus avoir peur. Un nouveau monde doit naître. Tous, nous voulons vivre bien. Tous, nous voulons être aimés. Bientôt, quelqu'un va venir. Il sera notre guide. Il nous mènera à travers l'obscurité. Il nous enseignera la loi juste et nous le suivrons. Alors sans plus attendre, rassemblons-nous dans la steppe blanche. Refondons les bases d'une société heureuse et alors il viendra. Peuplons la steppe blanche. Dieu a dit, sans plus tarder, portez en votre sein nos futurs éclaireurs. Alors le sang de l'hymen transpercé ne sera plus rouge, il brillera comme le laiton au soleil. Enfin, poussés hors des ventres des mères élues, nous serons mis à nous dresser dans la steppe blanche. Alors tous les impies seront sauvés, l'amour nous entourera et l'espoir nous délivrera du malheur. Demain nous appartient. Note 100, livre 1er. Clic, image. Clic. Steppe blanche, clic, nouveau monde. Le point de départ, voilà, de mon travail, c'était quand même de réfléchir et de m'intéresser au départ des jeunes qui partent faire le djihad et qui partent en Syrie. Ça, c'était mon point de départ. Ça fait des années que je suis fascinée par le sujet et que je suis, voilà, intriguée et complètement bouleversée à l'idée de me dire que des jeunes adolescents et particulièrement des adolescentes partent comme ça dans un pays si lointain, mener une guerre, établir un projet qui est un projet qui est plus ou moins construit, plus ou moins organisé, mais qui a son sens. Je dis pas que c'est le bon sens ou que c'est ni bien ni mal, mais en tout cas qui a son sens, c'est un projet. Et ça me passionnait beaucoup et j'avais voulu depuis un petit moment écrire un texte qui s'intéresserait à ça, mais j'arrivais pas bien à savoir par quel bout le prendre. Parce que je me sentais trop dans le réel de maintenant, et il manquait un décalage. Et Jeanne d'Arc m'a permis de trouver ce décalage. Parce que, alors ça paraît complètement fou comme ça, de dire, mais qu'est-ce qu'elle est allée fabriquer, cette dingue d'autrice là, qui allait nous coller Jeanne d'Arc à un truc qui aurait un rapport avec le djihad. Après, je dis pas que là je parle de la Syrie dans ce texte-là, hein, c'est pas ça. En tout cas, ça, voilà, ça l'évoque, c'est une fable. Rappelons toujours que c'est une fable. Mais pourquoi d'un seul coup venir et faire s'épouser un peu ces deux sujets-là? Un sujet qui date du 15e siècle et puis une actualité du 21e siècle avec voilà, c'est géopolitiquement, il se passe pas du tout la même chose, la religion, voilà, n'a pas du tout le même statut. Pourquoi absolument vouloir rapprocher les deux ? Bah justement parce que ça permet le décalage. Et parce que Jeanne, et je crois que c'est ça mon vrai point de départ, de l'envie de faire émerger la figure de Jeanne dans ce texte-là, de ce réel de maintenant, c'est que c'est une adolescente. Que Jeanne, elle a 15, 16 ans, on ne sait pas trop, on va plutôt dire 16 ans en règle générale, c'est ce que disent les historiens, les historiennes. Mais c'est une jeune fille quand même, moi c'est ça qui m'a fascinée, elle est chez elle, dans sa campagne Lorraine, avec tout le contexte géopolitique alentour, les histoires de frontières alentour, où du coup la haine des Anglais, des Bourguignons est très forte. Et elle est là, et puis elle a cette espèce de révélation comme ça, mystico, je ne sais quoi, d'un dieu qui viendrait lui dire, par l'intermédiaire du coup de tous ses saints, qu'il faut aller faire quelque chose pour la France. Jeanne d'Arc, c'est d'abord une ado, enfin, c'est d'abord une très jeune fille, plutôt qu'une ado, on va dire, parce que c'est pas le bon terme, ado. C'est d'abord une jeune fille, c'est d'abord une jeune fille de 15 ans. Et c'est d'abord une jeune fille de 15 ans qui, voilà, vit une expérience indescriptible avec Dieu. Alors après, on peut la croire, ne pas la croire, dire que ça a eu lieu ou ça n'a pas eu lieu. On s'en fiche un peu, finalement. Mais en tout cas, elle s'en va, quoi. Elle part de chez elle. Et elle part de chez elle pour s'aventurer dans une quête qui n'est pas du tout entendue pour une jeune femme, une jeune paysanne de son époque. Donc ça m'a fascinée. De me dire qu'elle a eu l'audace et le courage et la force de partir et de s'imposer et d'avoir la fermeté de dire mais voilà ce que j'ai entendu et voilà comment on va faire. Ça, je trouve ça fascinant. Face à la réalité de la France d'aujourd'hui, Gwenaëlle Soublin imagine une Jeanne actuelle, une adolescente qui part de chez elle et se retrouve embringuée dans un djihad virtuel et nébuleux. Mais au même moment, une autre jeune femme, élevée dans un pays d'islam, l'Afghanistan, sort aussi de chez elle en armure. C'est l'artiste Kubra Khademi. I'm feeling I have this relation with all of my work that these are fight. J'ai le sentiment que toutes mes œuvres sont des combats. L'armure est l'un de ces combats. Il est évident que l'armure répond à un problème auquel toutes les femmes afghanes sont confrontées tout le temps. Nous sommes harcelées, nous sommes violées, mais nous n'en parlons pas. Je pense que ça, c'est encore pire que le harcèlement sexuel ou que l'acte de viol. Being silent helps. Je pense que le silence contribue à la violence dans ma société. Je suis une femme, mon travail est féminin, mon travail fait écho à ma vie. Les deux sont vraiment liés. Et c'est également une mise en scène de ma propre vie. Personnellement, je suis fascinée par les espaces publics. C'est un défi. Pourquoi ? Parce que je suis une femme. Et que ça raconte quelle femme je suis. Là d'où je viens, dans ma famille, on se marie très tôt. Mes sœurs, à 14 ou 15 ans, elles se sont mariées. Dans ma culture, dans ma famille, les filles sont transportées de la maison du père à la maison du mari. Où est ma vie dans tout ça ? C'est quoi mon monde ? Où se trouve la limite ? La limite, ce sont les murs de la maison et rien d'autre. Je pense qu'une fille, normale, une femme, elle est curieuse parce qu'elle est l'égale de l'homme, elle est l'égale de garçon. Moi, quand je voyais mes frères, ils étaient si libres, ils allaient dehors, où ils voulaient. Moi, je ne pouvais pas aller dans la rue. Pourquoi ? À cause de certaines valeurs, à cause de certaines traditions culturelles, moi je devais rester à la maison. Dehors, c'était dangereux. Je le savais, j'en ai fait l'expérience. Dès mes 5-6 ans, je me suis fait harceler. Je marchais comme si j'étais une femme libre, je ne voulais pas me marier. J'ai quitté la maison de ma mère pour aller étudier à 19 ans, et ça a été une vraie révolution. Ça a même été ma première révolution. Dans ma tête, je refusais l'idée de me marier. Évidemment, ça n'a pas été facile. J'ai fait une grève de la faim. C'était une période très difficile, sombre, pesante. L'ambiance à la maison était compliquée parce que je refusais de faire quelque chose qu'il est bien de faire. Se marier, trouver un bon parti et d'autres choses. Mais je refusais. Aller dehors, c'était mon rêve. Mais quand je suis allée dehors, j'ai dit « waouh ». Dans un pays comme l'Afghanistan, c'est vraiment très facile de lapider une femme. Quand ils lapident une femme, en vraiment très peu de temps, des centaines d'hommes se rassemblent pour lapider, pour tuer une femme. C'était très parlant dans ma performance. J'ai juste marché pendant 8 minutes dans un quartier dans le centre de Kaboul. Mais il n'y avait pas de voiture. Et pourquoi ? Parce que plein d'hommes couraient soudain vers moi. C'est devenu vraiment difficile et vraiment dangereux. I had vision, I had memory, I have like... J'ai eu une vision, j'ai eu un souvenir d'être tourmentée. Quand j'avais 5 ans, j'ai été harcelée. En tant que petite fille, j'ai dit « J'aimerais que mes sous-vêtements soient faits d'acier, de métal. » Je n'ai pas dit « Je ne veux pas que tout ça existe. » J'aimerais être assez forte pour les frapper, j'aimerais être en sécurité partout. Non, moi, je ne pensais pas que je pouvais rêver tout ça. Moi, mon rêve, c'était que mes sous-vêtements soient en métal, des sous-vêtements métalliques. Depuis, j'ai grandi, je suis devenue une femme, et je dois me couvrir beaucoup d'endroits. Donc, j'ai couvert mes zones sexuelles. On peut le dire comme ça. Il y a une rue où il y a plein de petits ateliers qui fabriquent des tas de choses, des casseroles, des poêles. J'y suis allée et je leur ai demandé. J'avais mes dessins avec moi, mes mensurations, tout, et je leur ai montré. J'ai trouvé une boutique et le gérant de la boutique était une personne calme. Je lui ai montré et il m'a dit non, c'est impossible, et il a refusé. Il a regardé les dessins et les formes géométriques et il m'a dit que c'était impossible à faire. Je lui réponds que moi je sais comment faire, que j'ai déjà travaillé le métal et que j'ai juste besoin de quelques matériaux, de son marteau, vraiment du matériel basique. J'ai besoin de deux tailles de marteau, des objets ronds métalliques qui permettent de donner la forme, une paire de ciseaux. Et c'est tout. Je lui ai proposé $100 et il était vraiment content. Il attrape le billet et il accepte. Tous les jours, je prends l'habitude d'y aller. Dans un premier temps, je fais tout le découpage moi-même et un petit peu de travail, une heure par jour, tous les jours, le soir. Moi, je lui explique comment continuer à marteler et quelles sont les prochaines étapes. Ça m'a pris un mois. À la fin, quand toutes les pièces se sont assemblées, un sein, puis un deuxième, puis les fesses, puis le ventre, quand il a tout assemblé et qu'il comprend, il prend peur. J'ai remarqué qu'il a fait en sorte que personne ne voit l'armure. Il me demande « Qu'est-ce que tu veux faire avec ça ?» Et moi, je lui réponds « Ne vous inquiétez pas, c'est pour quelque chose. » Et je ne lui dis rien. Le dernier jour, j'ai pris mon armure et moi-même, j'ai commencé à avoir peur. Lui, il était gêné. En voyant ses fesses et ses seins de métal, je me suis dit « Merde, comment je vais réussir à cacher ça ?» Cet endroit s'appelle Kote Sanghi, c'est en plein centre de Kaboul. C'est un très grand boulevard sur lequel il y a beaucoup de commerces, de magasins tout le long, et il y a beaucoup de monde. C'est un endroit assez fou, avec des bus, c'est vraiment bondé. À Kaboul, traverser cet endroit, c'est vraiment un défi pour une femme. Un taxi m'a amené au début du boulevard avec mon ami à l'intérieur et je lui ai demandé de m'attendre à la fin du boulevard. Donc je savais qu'il serait là, au bout. C'est une rue droite en plein milieu de ce quartier. Alors j'ai marché et ensuite je suis retournée m'asseoir dans le taxi. À la fin, c'est devenu vraiment très sauvage. Ce que j'imaginais, ce à quoi je m'attendais, c'est que l'on se moque de moi. Il y a eu des hommes qui se sont moqués. Elle est bizarre, d'où vient-elle? Qui est-elle? Elle est folle, elle a perdu la raison. J'ai entendu tout ça. Tout le monde pensait que j'avais perdu la tête. C'est une étrangère, c'est une américaine, c'est une traînée, c'est une pute. D'où vient-elle? Un petit garçon a crié, elle ne veut pas qu'on la touche. Regardez-la, elle ne veut pas qu'on la touche. Even this video that which is seems the documentary of my work, eventually my friend. Dans la vidéo que nous avons tournée, qui illustre mon travail, c'était mon amie qui filmait. Et elle m'a dit, après coup, tout ce qu'elle avait subi en tournant cette vidéo. Elle m'a dit, de nombreux hommes ont profité du désordre et j'ai eu des mains qui sont passées entre mes cuisses. Mais je n'ai pas réagi parce que je devais tourner ta vidéo. Elle était choquée du contraste. Elle me dit, j'étais en train de te filmer avec mon téléphone, en train de vivre ce que tu vivais, et regarde ce qu'il passe entre mes jambes. C'est ça qu'elle m'a dit. Après la vidéo, je n'ai pas pu rentrer chez moi parce que des gens nous suivaient. On a roulé jusqu'à la banlieue de Kaboul et on a dû décider très vite où on allait, ce qu'on devait faire. Mon amie a fini par dire, allons dans la maison de ma tante. Nous sommes partis très loin de Kaboul et je suis restée quelques jours là-bas. Et j'ai fini par ne plus me sentir en sécurité là-bas non plus. Un journaliste d'Associated Press m'a ensuite installé dans son sous-sol pendant deux semaines avant que j'arrive à Paris. But the same night, the same evening that I finished my performance within one hour or something, almost all country was. Le soir de ma performance, presque tout le pays en parlait sur les réseaux sociaux. Facebook, c'est terrible. À quel point ça connecte? That's why like anger were increasing. C'est là que la colère est montée, sur les réseaux sociaux. What was making people more angry, what they were justifying was this is an anti-Islam. Or this is like ce qui énervait les gens, enfin la manière dont ils se justifiaient, c'était que ce que j'avais fait était anti-Islam. This is a project from America. I am spy. C'était comme si j'amenais la prostitution, un projet venant des États-Unis, comme si j'étais une espionne américaine. Kind of pornographic after that, and it was sharing. Ma photo a été diffusée sur les réseaux sociaux comme si c'était de la pornographie. Them angry, but not me. Ils étaient très en colère, moi pas. Then I received a nicely fatwa. Et puis une gentille petite fatwa a été lancée contre moi. C'est devenu impossible pour moi de vivre là-bas. So, an exile. Et maintenant, je suis exilée. Découvert sur terre m'a fait pleurer. J'avais l'air la manière des Sortant de l'atelier de Kubra Khademi, j'ai comme une vision et me rends au galop dans celui d'une autre artiste combative et joyeusement hérétique, Orlan. De toute manière, on a un point en commun parce que je dis toujours que je suis un femme et une homme. Donc comme elle était tantôt l'une, tantôt l'autre, qu'elle se costumait, déguisait, etc. Dommage qu'elle ait été juste illuminée par des voix et par Dieu, mais ça c'est peut-être la légende et ce qu'on raconte. Peut-être qu'elle ne croyait pas du tout à ses voix ou qu'elle a imaginé ses voix pour arriver à se faire accepter. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut interroger. Moi, si je risquais d'être brûlée vive, peut-être que je raconterais des choses très différentes de celles que je raconte actuellement. Donc, vous voyez, je suis finalement comme Jeanne d'Arc. C'est ça que vous voulez me faire dire, hein, finalement. Oui, parce que ce qui m'a attiré jusqu'à vous, c'est le c'est côté... Mon feu. C'est votre feu. Et c'est aussi votre goût de l'armure, parce qu'on a à côté de nous, dans votre atelier, une reproduction de votre performance, Le baiser de l'artiste, où vous étiez en armure, une armure qui vous dénudait et qui vous recouvrait en même temps. Il y a bien sûr, là, il y a sous mes yeux, sur votre bureau, les tirages d'une seconde peau d'Orlan. Il y a les opérations que vous avez accomplies à même votre corps, et puis là vous me recevez avec vos lunettes jaunes et noires et votre veste qui scintille un peu comme une cotte de maille. Quel rapport vous entretenez, vous, Orlan, à l'armure ? Alors, il faut bien sûr se préserver des autres et de soi-même. Donc c'est important d'avoir des armures, mais il faut aussi être capable d'enlever l'armure quand c'est nécessaire, quand c'est utile, quand ça change les rapports avec les autres. Mais En tant que femme artiste, j'ai eu à me défendre de beaucoup de choses. Au tout début de ma vie, j'ai beaucoup lutté pour la contraception et l'avortement, et aussi je l'ai fait avec beaucoup d'autres, mais c'était vraiment quelque chose d'extrêmement nécessaire. J'ai fait par exemple une écorchée me ressemblant, qui est entièrement faite, vous la voyez ici, sur un écran. Ça, c'est vraiment une pièce très très importante pour moi parce que c'est un manifeste. Et effectivement, c'est un personnage en écorché, c'est moi en écorché, mais avec aucune photo de moi. C'est entièrement fabriqué par la machine 3D et j'ai enlevé justement cette peau parce que, effectivement, si on enlève la peau, on ne voit plus si on est blanc, si on est rouge, si on est noir, si on est jaune. Donc, ça me paraissait la première démarche extrêmement importante. Là, il n'y a plus rien à dire de ce côté-là. C'est déjoué. Et ce qui était important, c'est d'avoir aussi un corps de femme extrêmement différent de ce qu'on voit habituellement, par exemple, sur les podiums pour la mode. C'est un corps, là, qui est un corps lourd, de femme mûre ou de femme, avec des hanches, avec des seins, avec ce ne sont pas les propositions qu'on nous fait sur les podiums, qui sont des personnes décharnées, qui n'ont que les os sur la peau et auxquelles il faut absolument ressembler, sinon tout le monde détourne son regard. Il y a une pression sociale par rapport au corps absolument terrible. À cet égard, on se représente volontiers, Jeanne d'Arc, comme une jeune femme mince, sinon frêle. Le poète René Char imagine qu'elle n'a ni seins ni fesses, qu'elle est comme une planche de bois. Ça, il a tort, je pense. Il a vraiment tort. Comment est-ce que vous la verriez, vous la voudriez? Parce que de fait, on n'a pas d'image d'elle. Oui, on n'a pas d'image nue, donc tout le monde peut faire ce qu'il veut. Tout le monde peut projeter son propre désir. Donc c'est probablement ce que René Char a fait. Donc moi, je l'aimerais plutôt comme la mienne, en chair. J'aime la chair. La chair, c'est ce qu'on n'aura plus quand on sera mort. Donc dans ce passage de vie, la chair, ça compte beaucoup. C'est chaud, c'est doux, ou c'est rugueux, ou c'est quelque chose qui, sous la main, bouge, etc. Donc c'est vraiment fantastique. Ce que vous ne m'avez pas laissé dire sur cette œuvre de l'écorché, qui pour moi est très importante, c'est qu'en fait, dans ma vidéo, elle prend au ralenti la position de la liberté. Et la liberté, c'est ce qu'on essaye de nous enlever. Et comme elle était quand même aussi une bagarreuse, je pense que c'est important d'insister là-dessus. Et je prends au ralenti la position, enfin l'écorché prend au ralenti la position de la liberté, de la statue de la liberté. Et en fait, c'est effectivement pour parler de toutes les libertés qu'on essaye de nous enlever actuellement. Sur Internet, on cherche le moindre sein pour essayer de l'enlever. Donc notre époque est vraiment contre la chair, contre le sexe. Mais pour moi, ça me paraît vraiment tellement invraisemblable. Ceux qui pensent que Dieu a fait l'homme et la femme à son image, comment est-ce possible qu'ils puissent penser qu'un sein ou un sexe n'est pas l'œuvre de Dieu, donc absolument à sacraliser comme tout le reste? Et donc ça me paraît mais vraiment insupportable. Donc je lutte chaque jour aussi par rapport à ça. Moi, je n'ai pas les mêmes armes que Jeanne d'Arc, mais vraiment... et puis j'espère qu'il n'y aura jamais les lepénistes qui me prendront comme idole. Mais vraiment, c'est indispensable, quoi, d'être à la fois d'être différente, d'avoir en tant que femme, comme Jeanne d'Arc, on pourrait dire, la possibilité d'emmener des hommes dans une guerre qui n'est pas forcément une guerre avec des armes de cette sorte, mais c'est actuellement, en tant que femme et en voyant ce qui s'est passé ces temps-ci avec... balance ton porc, c'est vraiment incroyable. Bon, l'évêque Cochon en était un, donc ça tombe bien. C'est incroyable, cette bagarre, cette bataille n'a absolument pas été gagnée. Et grâce justement à balance ton porc, on peut peut-être gagner un petit peu dans les esprits pour arrêter que les femmes se taisent. Arrêter que les femmes se taisent et ça n'arrête pas. Mon Dieu, tu es là, je t'entends. Tu ne parles pas beaucoup, mais je t'entends très bien. Juste là, mon Dieu, je suis en route. J'ai entendu ton message. Je n'ai pas eu peur. Je n'ai plus peur. J'ai tout vu. Tout vu. Comme en rêve. J'ai tout vu. Les steppes immenses. J'ai tout vu. Les rivières glacées. J'ai tout vu, la neige intacte, sans une trace de pas dedans, s'étendre bien au-delà de l'horizon. Là-bas, tout est vierge. J'ai tout vu. Tout est blanc là-bas. C'est différent d'ici. Là-bas, tout est à écrire. Tout est à recommencer. C'est possible. Mon Dieu, là-bas, dans la steppe blanche, nous allons donner tout notre amour là-bas. D'abord là-bas, puis partout. Je veux t'aider. Je serai tes bras, mon Dieu. J'aiderai tous ceux qui souffrent et tous ceux qui ne savent pas qu'ils souffrent parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que d'être sans souffrance. C'est notre mission, n'est-ce pas? Parle-moi. Mon Dieu, parle-moi franchement. Dis-moi de t'aider. N'aie pas peur de réclamer, réclame. Pose-moi la question. Je dirai oui, oui, je le veux. Je transmettrai ton message. Je serai ta messagère. Nous méritons d'être aimés. Nous méritons d'être beaux. Nous méritons d'être tes enfants, mon Dieu. Dans la steppe blanche, nous ferons un monde nouveau. La steppe blanche est à nous. Nous allons nous battre pour récupérer ce qui nous appartient. C'est à nous. C'est chez nous. Ce n'est à personne d'autre. Tu me l'as dit, je le sais. La steppe blanche est notre royaume. Je n'ai pas peur. Je suis en route. Mon Dieu, pourquoi tu ne réponds pas alors que je t'appelle de tout mon cœur? Donc ça, c'est la deuxième scène du texte. Et c'est une prière que Jeanne fait à l'aéroport. On comprend donc qu'elle s'en va quelque part, on ne sait pas encore où. On comprend bien qu'elle a l'air de se diriger vers cette steppe blanche dont elle n'arrête pas de parler et dont elle a aussi entendu parler, évidemment, dans toutes les vidéos qu'elle a regardées, dans les PDF qu'elle a lues. Et elle s'en va. Et moi, ce qui me plaisait beaucoup dans l'écriture de cette prière, c'était déjà de mettre cette prière dans un lieu très profane, c'est-à-dire dans un aéroport, qu'on ne soit pas du tout à l'église ou pas dans une image d'Épinal comme ça, de Jeanne, au milieu d'une pelouse, au-dessous d'un arbre, avec des petits moutons qui se baladent. Ça ne m'intéressait pas du tout. c'était de me dire que, voilà, Jeanne, à un moment donné, elle est à l'aéroport, elle s'apprête à décoller. On ne sait pas du tout où elle décolle, on ne sait pas dans quels ennuis elle va se retrouver. Et elle fait sa petite prière à l'aéroport. Et j'avais envie d'écrire cette prière avec, de façon très intime, que ça puisse être une parole très simple, de pas du tout rentrer dans des grands concepts de Dieu, enfin que sa foi, voilà, ce qu'elle pense être sa foi, je ne sais pas, soit très très proche du cœur et très très simple, très modeste dans l'écriture, hein. Et que cette steppe blanche là puisse être le lieu fantasmé de ce sens du monde qu'elle cherche, qu'elle vienne déposer le sens, je sais pas trop comment dire, mais elle se cherche une raison d'être. Cette Jeanne-là, dans ce monde-là, du 21e siècle, elle se cherche une raison d'être. Et on lui donne une raison d'être, ou une raison de vivre, ou une raison, je sais pas, de penser, d'espérer, en lui offrant, sur un très beau plateau d'argent, comme ça, où tout a l'air extrêmement merveilleux, pour le moment du moins, une steppe blanche où tout est à écrire, où il y a de l'espoir, il y a du possible. Ça, j'aime bien ce mot-là. Il y a du possible. Et pour Jeanne, il y a du possible là maintenant. Et dans la steppe blanche, elle va peut-être pouvoir s'inventer un monde, se construire un monde qui est un monde peut-être plus heureux que celui dont elle vient. Et je crois, je ne sais pas si j'en suis sûre, mais que le moment qu'on vit actuellement, on est en train aussi de changer d'époque. On est en train de basculer. Je ne sais pas vers où on va et je ne sais pas qu'est-ce que c'est la nouvelle époque qui est en train de s'écrire. Si je le savais, j'écrirais pas peut-être. Mais en tout cas, j'ai l'intuition que il se trame quelque chose en ce moment et qu'on est en train de vivre des choses qu'on n'avait jamais vécues avant. C'est-à-dire que c'est très perturbant de vivre dans un monde, en tout cas pour moi, jeune femme de 30 ans, où d'un seul coup, par exemple, le terrorisme est là, existe et vient un peu bousculer des croyances qu'on a sur, je sais pas, une forme de sécurité, de paix. C'est très perturbant pour moi, jeune femme de 30 ans, de me dire que, je sais pas, je vis dans un monde où les GAFA prennent de plus en plus de place et où les nouvelles technologies vont complètement réorganiser notre monde et sont... les nouvelles sciences ou la nouvelle religion. Donc, je crois que le changement d'époque, il se passe là. Au temps de Jeanne d'Arc, le changement d'époque était déjà d'actualité. La guerre de Cent Ans a en effet vu les chevaliers devenir des mercenaires. Les armes à feu supplantaient les archers. Le mot scientifique est apparu dans le vocabulaire. Le manuscrit a laissé place aux livres imprimés. On pratiquait l'alchimie et on se mettait à brûler des femmes en les appelant sorcières. Alors qu'est-ce qui a vraiment changé entre le regard de la jeune pucelle sur son pays ravagé par la peste, la misère et la guerre et celui que, dans son roman de Jeanne, la romancière américaine Lydia Yuknovitch porte sur notre planète? Jeanne se sent comme une extraterrestre, dans une saloperie de paysages lunaires. C'est presque impossible de croire qu'il s'agit de la Terre. Elle doit faire un effort pour se souvenir qu'elle n'est pas allongée sur la Lune. Que la Terre qu'elle a dans la bouche ne contient aucun nutriment, qu'elle est devenue crayeuse. Elle sait, au plus profond de ses os et de sa chair, que son corps pressé contre le sol est plus reptilien qu'humain, puisque son existence, comme celle d'un reptile errant dans le désert infini, a été réduite au plus strict instinct de survie, à une chasse. Ils sont ce qu'il reste de la vie, ou ce qu'il reste de la terre. C'est ce que Jeanne commence à croire. La terre n'est plus qu'une lande dévastée, soleil blafard au teint sépia le jour, lune comme une vague meurtrissure la nuit, une boule de poussière sans vie, du moins en surface. In the world I've imagined, the earth is almost dead. We have succeeded. Dans le monde que j'imagine, La planète Terre est presque morte. Nous avons réussi à nous entretuer dans des guerres mondiales. Les ressources de la planète sont presque taries. Et la Terre elle-même est une sorte de zone morte où les océans, les animaux, les arbres et la végétation ont disparu. Des aires glaciaires ont émergé au même moment. La Terre témoigne de ce que les humains ont fait. Some survivors from the planet who are mostly wealthy and elite folks who have. Il y a des survivants, majoritairement des élites riches, qui se sont mis à l'abri dans une station spatiale en récupérant les dernières ressources terrestres. And there's a question whether or not anything living is left. Une question se pose. Y a-t-il encore ou non de la vie sur Terre? Et dans cette question, j'ai décidé d'intégrer le personnage de Jeanne d'Arc que tout le monde pense morte, exécutée pour ses crimes, de la manière que l'on sait. Mais dans mon imagination, dans mon roman, elle a survécu, elle n'est pas morte au bûcher, et elle est restée sur Terre pour poser la question suivante. Peut-on ramener quelque chose à la vie? Les humains méritent-ils d'être ramenés à la vie? Quand les drones ont lancé leur première frappe nucléaire et quand les drones adverses ont riposté, la guerre s'est faite un moment sans soldats, ou presque. Mais tous les conflits finissent tôt ou tard par être ramenés à la violence humaine. C'était presque comme si les humains ne supportaient pas d'être loin de la boucherie, du feu de l'action, du théâtre de la guerre. Arriva alors ce que l'on croyait inconcevable, des armées d'enfants. Jeanne avait été une enfant soldat extraordinaire. Si son génie militaire ne lui a valu aucune reconnaissance officielle, c'est seulement parce qu'elle ne faisait appel à ses véritables armes qu'en secret ou en quasi-secret au moment décisif de la bataille. Presque personne ne la voyait ranger son fusil le long de son corps, tandis que la lueur bleue près de sa tempe se mettait à briller. Personne d'autre qu'elle n'entendait la chanson cacophonique qui faisait rage dans sa tête, une épopée guerrière qu'elle vivait strophe par strophe. Alors elle tendait la main pour toucher les arbres ou l'eau ou la terre, et le champ de bataille tout entier était pris d'un soubresaut, comme un drap qu'on secoue, où la terre s'ouvrait pour avaler les chars, les Humvees et les premières lignes de l'ennemi du jour, où l'eau sortait de son lit pour balayer les combattants. Dans ces moments, personne ne faisait attention à elle. In my mind, she is a figure who made it beyond her teenage years and is. Selon moi, Jeanne d'Arc n'est plus une adolescente. Elle est forte, légèrement androgyne, et sa force et sa féminité ne s'opposent pas, physiquement ou émotionnellement. She has actually long dark hair and it's a feature I extended from history. Elle a de longs cheveux sombres et ce n'est pas anodin parce que tous les autres survivants de mon histoire n'ont pas de cheveux. And so her hair is part. Ses cheveux font partie de son aura mystique. And she is very very skilled. As a warrior, as a military person, but she is. C'est une combattante aguerrie, mais elle est encore plus douée, car elle a appris un langage qui nous dépasse. Au lieu d'entendre la voix de Dieu, elle a commencé à entendre les rythmes et les harmonies du cosmos et des planètes. Not in mystical, you know, magical superpower ways, but in the ways that. Non pas comme des super-pouvoirs mystico-magiques, mais comme les entendrait un astrophysicien. Par exemple, elle peut entendre l'harmonie de la théorie des cordes et elle peut entendre le bruit que font les planètes, bruit dont nous savons aujourd'hui qu'ils existent. Do we deserve another chance at our own, you know? En somme, elle est une interprète cosmique pour éclairer cette question. Est-ce que nous méritons une deuxième chance pour notre propre existence? Nous ne saurons jamais exactement qui elle était, ni pourquoi elle a vécu. Les débats ainsi que les documents historiques sont fascinants, mais ce qui m'intéresse le plus dans le fait de l'extraire de l'histoire et d'en faire une figure imaginaire, c'est que nous avons besoin d'aide pour nous redéfinir aujourd'hui. Et mon Dieu, si nous n'arrivons pas à nous redéfinir, nous sommes perdus. Après le procès de Jeanne, il avait été décrété que pour maximiser l'impact médiatique de son exécution, on ferait appel à une méthode des anciens temps, plus précisément à un bûcher médiéval. Plusieurs raisons avaient été évoquées. Tout d'abord, il ne resterait rien de son corps. Et puis, un bûcher à l'ancienne, c'était le spectacle ultime. Aucune autre forme de mise à mort n'exploitait avec autant d'efficacité le désir profond, collectif, d'assister à la détresse de l'être adulé. Il y a tout de même eu, il faut le dire, de longs débats sur la possibilité d'une exécution sur la chaise électrique, qui aurait eu, selon certains, le même impact sur la populace, mais l'idée a finalement été écartée, car elle nécessitait une mise en scène trop compliquée. Beaucoup ont évoqué la noyade, mais l'eau était devenue rare et n'était pas question de recourir aux images de synthèse dans lesquelles l'eau ressemblait plutôt à du gel désinfectant. Puisque l'événement serait filmé et diffusé dans les médias du monde entier, une mort par les flammes produirait l'effet le plus saisissant et attirerait donc le plus grand nombre de téléspectateurs. Well, she has been a figure in my personal life since I was a child. Jeanne d'Arc a été un personnage important dans ma vie personnelle depuis mon enfance. J'ai été élevée dans la religion catholique et c'est comme ça que je l'ai rencontrée. Elle m'a immédiatement fascinée. J'étais effrayée par l'histoire de cette jeune fille qui était devenue une guerrière, avait entendu des voix venant de Dieu et était morte brûlée. My sister is 8 years older than I am. Ma sœur, qui a 8 ans de plus que moi, a choisi le nom de Jeanne pour sa confirmation. Je lui ai demandé pourquoi. J'étais une enfant à ce moment-là. Et elle m'a raconté l'histoire. Il y avait une petite statue de Jeanne d'Arc dans l'église de notre quartier. Et ma sœur m'a montré des photos de Notre-Dame. And other places in France where there were other statues. Ma sœur m'a également montré des photos de Notre-Dame de Paris et de différents endroits de France où il y avait aussi des statues de Jeanne d'Arc. Tous ces moments ont été mes premières rencontres avec la sainte, la personne qui, comme je l'ai dit, a complètement hanté mon imagination. Mais cela a aussi imprimé dans ma tête d'enfant de l'époque l'image d'une fille qui brûle. J'ai été victime d'abus sexuels dans ma famille, et cette image a pris une place importante dans mon cœur. Jeanne était alors un modèle pour la petite fille que j'étais, et qui brûlait de l'intérieur en attendant de pouvoir quitter cette terrible maison. Joan of Arc also visited me in a dream, which sounds a little weird. Jeanne d'Arc m'est également apparue dans un rêve, ce qui peut sembler un peu étrange. Mais elle est apparue quand j'avais 14 ans et m'a dit « Personne ne va te sauver ». À l'époque, je n'avais que 14 ans et j'ai trouvé cela bizarre, mais plus tard, cette phrase est devenue comme une devise. Je suis partie de chez moi et j'ai changé de vie. Évidemment, je l'ai étudiée plus tard à l'université, dans des livres, donc on pourrait dire qu'elle m'a hantée, mais pas de manière négative. C'est plus comme une sorte d'esprit qui est arrivé dans ma vie et qui, depuis, ne me laisse jamais seule. Finalement, quand j'ai considéré que j'étais peut-être assez bonne romancière pour essayer d'en faire une histoire, ce qui est arrivé quand j'ai eu 50 ans, j'ai essayé d'en tirer quelque chose. Et ce roman est né. La naissance de ce roman est aussi liée aux tensions présentes dans le monde en ce moment, et en particulier aux États-Unis, où nous vivons une terrible fracture dans la société et des événements dignes d'un mauvais scénario. Je pense que l'idée du livre est née de cette crise qu'au moins certains Américains ressentent en ce moment. Now history is full of famous women, names most everybody knows, gals who made their mark, like the one called Joan of Arc. She was quite a woman, so the story goes. But let me tell you about a friend of mine below the Mason-Dixon line. She was known throughout her teens as the maid of New Orleans, till the sheriff chased her poor old Ma and Pa. Then she moved to this here state, where she's really doing great. She's Joan of Arkansas. Joan of Arc, she'd done her chores, then rode off to fight some wars. She was either pitching spears or pitching straw. Now my friend's a pitcher too, but she's mostly pitching woo. She's Joan of Arkansas. Well, now Joan of Arc, she had a great big army, and to fight for France she led 1,000 men. But this other Joan, she's got a bigger army, who follow her for something else again. All the gals are up a tree, they're as jealous as can be, and I understand they tried to pass a law. 'Cause when she kisses men, they ain't the same again. She's Joan of Arkansas. Dans un café près du cimetière du Père-Lachaise, me voici assis en face d'une jeune femme émaciée, aux cheveux rasés et aux mains tatouées. Elle me fait songer à la Jeanne de Lidia Yuknavitch. Elle est française, se prénomme Julia, mais se fait appeler Rebecca Warrior. Et sous ce nom de guerre, elle chante et mixe des sets tendres et brutaux, comme celui qu'elle a dédié à Jeanne d'Arc, sous le titre « Follow the Leader ». Mon nom est Jeanne, j'ai 19 ans. Jurez de dire la vérité. Je le jure. Où avez-vous été baptisée ? Dans l'église de Don Rémy. Qui vous a pris votre croyance ? J'ai appris de ma mère le paternoster, l'Ave Maria et le Credo. Dites à Paternoster. Confessez-moi, je le dirai en confession. Cela entendu, nous, évêques, interdisons à Jeanne de sortir des prisons qui lui ont été assignées dans ce château de Rouen. Je n'accepte pas cette défense. Vous avez déjà tenté ailleurs et par plusieurs fois de vous échapper. Comme tout prisonnier en a le droit. Death to the witch! Death to the witch! Ma première rencontre avec Jeanne d'Arc, c'est ce petit 45 tours que je mets dans mon mix de Bresson, et, qui est très beau, qui raconte l'histoire avec les Anglais et qui est un peu triste aussi. Où on l'entend chialer dans sa petite cellule toute seule et on se dit oh pauvre petite biche. Puis après elle brûle, elle est là Jésus. Moi ça me fait rire, c'est pas drôle mais bon. Ouais, c'était ma première rencontre avec Jeanne d'Arc. Et puis en plus, puisque je m'intéresse aux manières de mourir aussi, je ne m'intéresse pas qu'à Jeanne d'Arc ni à la techno. Et en fait, ils avaient rajouté du soufre sur son t-shirt pour qu'elle s'enflamme plus vite. Donc ça a dû faire une espèce de feu d'artifice, un peu genre pyrotechnique, un peu à la Rammstein. Elle a dû s'enflammer puis dire « Jésus !» Il y a un truc hyper... hyper grand spectacle, quoi. Grand spectacle... au Moyen-Âge, qui me plaît bien. Et puis il y a aussi ce truc-là dans Foucault, dans Surveiller et punir, où il explique qu'en fait, le bûcher, c'est pas du tout ce qu'on croit, on met vachement longtemps à brûler. et que c'est pas du tout trois petites bûchettes et puis hop, la personne est morte. Et, non, c'est des heures et des heures de cris et de viande cramée. Et ça, c'est quand même... quand on associe Jeanne d'Arc à ça, c'est quand même ultra, ultra violent, quoi, d'avoir choisi cette mort pour elle. Hein. Parce qu'elle avait mené... Bon, c'était une femme qui a mené des troupes et qui a un petit peu bravé l'Angleterre. Et puis tout d'un coup, je trouve que la punition était quand même... était fat, quoi. On m'a menti tout du long, il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de merveille. On m'a menti tout du long, il n'y a pas non plus de raison. Aucun sens à l'univers, aucune décence, tout est calvaire. On m'a menti tout du long, il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de merveille. On m'a menti tout du long, il n'y a pas non plus de raison. Aucun sens à l'univers, aucune décence, tout est calvaire. On m'a menti tout du long. La société est une salope, capital en enfoiré. Il faut brûler les policiers. On m'a menti tout du long, il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de merveille. Ce que je vois, c'est un grand feu, je vois des bœufs et des lépreux. Levez-vous, accusez, je vais moi-même vous juger. Je suis ma propre Jeanne d'Arc, parce que c'est vrai que je me retrouve un peu dans cette hystérique aux habits de garçon. Moi, je me retrouve dans la Jeanne d'Arc, dans ce pourquoi on l'a accusée, en fait. Ce pourquoi on l'a jugée en procès et pourquoi on l'a brûlée. C'est-à-dire que j'adore son côté mystique, les voix, le côté sorcellerie. Et puis, j'adore aussi qu'elle ait refusé d'enlever ses vêtements d'homme au procès, alors que ça lui aurait carrément évité de brûler vive. Donc, il y a un petit côté comme ça... je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux jusqu'à la mort. Moi, j'aime bien son côté paranormal, mystique, sorcière. Donc, je m'imagine pas qu'elle soit incarnée, ses voix. Mais moi, j'ai l'impression d'en entendre aussi. Donc, c'est plus des mêmes que je parle. En fait, je sais pas comment expliquer ses voix et tout. Pour moi, elle était très poète. Elle n'était pas schizo ou quoi. Elle était complètement envahie de poésie. Et non, je pense pas que le malin lui parlait. Vous pensez? Non. Une si gentille jeune fille. C'est vrai que ça m'emmerde aussi qu'elle soit récupérée à droite à gauche par Marine Le Pen, par Macron, par la politique. Que moi aussi j'ai le droit de la récupérer, elle est à tout le monde, donc on partage. Je préfère que ce soit une héroïne queer qu'une héroïne du FN, c'est sûr. Mais bon, après, comme je vous dis, c'est quand même très controversée, puis c'est très partagé. Elle était tout à la fois, donc moi je récupère la partie qui m'intéresse, qui garde leur partie pour eux. Et bon, c'est tellement vieux qu'on peut un peu raconter aussi ce qu'on veut, je pense. On récupère beaucoup l'image de Jeanne d'Arc pour l'identité de la France. Et moi, je trouve qu'on ferait bien de la récupérer pour l'identité des genres, quoi, l'identité sexuelle, puisqu'elle est... C'est vrai qu'elle a porté des fringues d'hommes à une époque où même pas c'était interdit, tellement c'était inconcevable. Donc peut-être qu'elle avait d'autres choses à raconter, qu'elle pouvait pas dire, vraiment. Et c'est vrai qu'elle avait un côté comme ça, hyper... Tout le monde l'a suivie, alors que c'était une fille. Le roi lui a donné, enfin le dauphin lui a donné des hommes pour aller se battre. On ne sait pas pourquoi tout le monde lui a fait confiance, on ne sait pas pourquoi tout le monde l'a suivie. Et je trouve ça génial de pouvoir, comme ça, avoir un pouvoir tout d'un coup. Allez, hop, tout le monde derrière moi, on y va. À un moment donné, je pense qu'il y a eu un effet comme ça de... Vraiment, c'était hyper cool de la suivre, quoi. Après, ça n'a pas duré longtemps, hein, son délire. Hein, parce que 3 ans après, plus personne n'en voulait. Comme quoi, avant la période des tweets et des machins, ça s'est allé très vite aussi, quoi. J'ose espérer qu'elle serait Black Bloc et qu'elle irait avec son petit masque à gaz. Je sais pas, hein, parce qu'elle était quand même pour le couronnement du roi, donc elle était quand même assez tradie. J'espère qu'elle se rangerait pas du côté d'un papa et une maman, mais va savoir. Elle avait des gros défauts quand même. Mais oui, on parlait de, en ce moment-là, tout le monde parlait de balance ton porc, etc. Il y a aussi ce côté-là, c'est que je pense qu'elle est devenue comme ça parce que, bon alors je sais pas si c'est vrai ou quoi, mais parce qu'elle a vu sa sœur se faire assassiner et violer. Et que donc elle a un peu, elle a balancé son porc à sa manière, quoi. Elle s'en est pris aux Anglais, elle s'en est pris à qui elle pouvait, et puis tout d'un coup elle en a eu marre aussi de se faire marcher sur les pieds. Enfin, moi je le vois comme ça, c'est mon histoire, hein. Vous me demandez mon histoire de Jeanne d'Arc, on est bien d'accord. I sentence you to... On met le feu. Les voix que j'ai eues étaient de Dieu. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par le commandement de Dieu. Non, mes voix ne m'ont pas déçu. Les révélations que j'ai eues étaient de Dieu. Jésus! L'histoire d'amour entre Rebecca Warrior et Jeanne a donc commencé avec le film « Procès de Jeanne d'Arc » de Robert Bresson. Aujourd'hui, l'interprète de ce film de 1959, Florence Delay, est devenue écrivain et membre de l'Académie française. Elle me reçoit dans son appartement, encombré de livres, une cigarette à la main. Pour moi, Jeanne était une petite bergère qui entendait des voix. Je n'avais que des images d'Épinal d'elle. Et c'est Robert qui... bien sûr, m'a remis le scénario et fait découvrir les paroles. J'ignorais tout d'elle et même sa grandeur, voyez-vous. Je l'ai découvert dans le procès, dans sa résistance, dans son courage et dans ses merveilleuses paroles. Donc vraiment, cette découverte, je la dois intégralement à Bresson. Robert Bresson qui disait, Florence Delay, qu'il avait cherché pour ce rôle une étudiante qui soit comme Jeanne, admirable sans le savoir. Vous vous reconnaissez dans cette définition? Non, non. Je sais que finalement, nous sommes restés trois. Il a vu beaucoup de jeunes filles ou jeunes femmes. À la fin, nous avons été trois à faire des essais. Une fille qui était mécanographe et qui était petite et très énergique. Une très belle, très douce. Et quelques jours avant le tournage, le sort est tombé sur moi, j'ai reçu un télégramme de lui pour me dire que c'était... Bon, c'était comme d'habitude, il ne souhaitait pas d'acteur professionnel. Et il aimait les gens, il aimait les inconnus finalement. J'ai mis au monde, de mon légitime mariage, une fille à qui j'ai fait recevoir l'honneur des sacrements de baptême et de confirmation. Je l'ai élevée dans la crainte de Dieu et le respect et la fidélité à l'Église autant que le permettaient son âge et la simplicité de sa condition. Or, bien qu'elle n'ait pensé, ni ourdi, n'ait rien fait qui ne fût selon la foi, des gens envieux qui lui voulaient du mal, à elle, à ses parents, au bien public des princes et des peuples, la traînèrent en procès de foi. Ils lui imputèrent faussement et mensongèrement un nombre de crimes, ils la condamnèrent enfin iniquement et la brûlèrent. On ne voit rien, on voit un dos soutenu par deux mains et on entend une voix qui dit « J'ai mis au monde de mon légitime mariage une fille » et c'est la mère qui vient plaider. Et à ce moment-là, commence le film avec deux mains enchaînées qui jurent de dire la vérité, et c'est ses mains. C'est très beau parce que ce sont des détails. C'est toujours le rôle accordé aux détails significatifs. La façon dont elle se lève et part à grands pas, la façon dont les robes des prêtres tournent, virevoltent, l'usage fait de l'escalier, sa cellule étant en bas d'un escalier, le va-et-vient des robes montantes et descendantes, et de son habit et de ses galoches à elle. Ce serait une bataille dansée, il me semble. Mais en tout cas, le rythme qui est capital pour Bresson, le rythme est là. La façon dont s'interrompt un interrogatoire, soit qu'elle se lève et s'en aille sans permission, soit que l'évêque exaspéré lève la séance. Et tout ça, effectivement, est marqué très, très vivement. Take it away. Je vais dire la vérité à votre juge. Prenez garde, vous qui vous dites mon juge, vous assumez une grande charge. Nous vous requérons de prêter serment. Faut-il jurer deux fois en justice? Voulez-vous jurer simplement et absolument? Vous pouvez bien vous en passer. Nous vous requérons de jurer de dire la vérité. Je dirai la vérité, mais je ne dirai pas tout. Au commencement, la parole. Bon. Jeanne n'a pas de verbe. Elle a une parole, des paroles. Et je pense que l'amour que Bresson portait à la langue française m'a certainement impressionné mes 19 ans. Et il a d'ailleurs caressé toutes les répliques, tous les mots. C'est Gertrude Stein qui parlait de caresser très très longuement un mot. Mais on a l'impression qu'il a fait comme ça avec toutes les répliques des interrogatoires. Croyez-vous être la grâce de Dieu? Si je n'y suis, que Dieu m'y mette, et si j'y suis, que Dieu m'y tienne. Elle répond toujours en faisant un pas de côté. Par exemple, l'épée, elle dit, vous, évêque, vous me l'avez volée, où l'avez-vous mise? Bon, je veux dire, elle ne répond pas droitement, elle répond comme verticalement. Par exemple, sur ses apparitions, Saint-Michel, était-il nu? Elle répond, pensez-vous que Dieu n'ait de quoi le vêtir? Bon. Avait-il des cheveux? Pourquoi les lui aurait-on coupés? Moi, ça m'émerveille encore de l'entendre répondre ça. Voilà! Comme un homme! Jeanne! Jeanne, qu'est-ce que ça veut dire? Comment oses-tu t'opposer à la volonté de Dieu? Dieu n'a pas exigé que tu te tondes le crâne! Comment oses-tu te mêler de ce que Dieu m'a dit ou non? Soit, mais puisqu'il ne descendra pas te les couper lui-même, alors au moins accepte que quelqu'un le fasse comme il convient! Raymond, apporte des ciseaux. Louis, approche le miroir. Jeanne, cesse de te mettre en colère comme ça à tout propos, calme-toi. Je suis, on ne peut plus calme, c'est Dieu qui est en colère. Luc avait des idées précises, il voulait qu'elle se coupe les cheveux à un moment, pour aller à la guerre, et que ce soit mal fait. Donc on a fait venir un des plus grands coiffeurs de mode, qui s'appelle Julien Dys, qui est arrivé en hélicoptère, je crois, sur le tournage, quand on était en République tchèque. Pour couper les cheveux de Mila. Donc ça, c'est le cinéma. Pour couper mal les cheveux de Mila. S'ils ne sont pas responsables de la coupe de cheveux de Mila Jovovich dans La Jeanne d'Arc de Luc Besson, Catherine Leterrier et Olivier Berriot sont ceux qui l'ont habillée de pied en cap et en armure. Bah déjà, il était très amoureux de son héroïne. Il était passionné. Il la voyait avec les yeux de Roméo pour Juliette et il pensait qu'elle pouvait... conduire les troupes, mettre le roi Charles VII sur le trône. C'était son discours d'amour pour Mila. L'inspiration d'une très jeune femme, très dynamique, qui fédère les hommes autour d'elle. Besson a déjà fait plusieurs héroïnes comme ça. Et à l'époque, il était très amoureux de Mila Jovovich et elle était très jeune et très dynamique, superbe, très belle et... Déjà, il avait une énergie d'amour et Tous les chevaliers autour de Jeanne, c'était des hommages. Pour nous, c'était très magnétisant quand même. Oui. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, bref. Non, c'était très amusant. Même la robe pour tester la virginité, il a voulu entrer dessous pour... Comment c'était ? Alors bon, là, c'est parce que c'est le classeur avec tous les dessins qui ont été faits pour le personnage de Jeanne d'Arc, donc de Mila Jovovich. Donc c'est un peu l'armure alpha qui nous a servi ensuite. Viollet-le-Duc nous a beaucoup servi pour faire des armures. Parce qu'on a eu à faire des armures... Olivier et moi, d'ailleurs, on a parcouru l'Europe à la recherche d'armuriers et on a fini par choisir ceux qui nous semblaient les plus compétents, oui. Les Anglais. Et on les a fait venir au studio d'Épinay pour faire les armures d'après nos dessins et nos recherches. Mais on n'a pas utilisé le fer très lourd qu'on trouve aux Invalides, au musée des armées, parce que les acteurs n'auraient pas pu rester à cheval dessus. Mais avec du métal plus léger, ils ont quand même tapé sur des billots en chêne, à la main, les armures des acteurs principaux. Voilà. Et comme c'était très compliqué, on avait énormément d'essayages à faire, parce que tout est très très moulant, on doit pouvoir bouger à cheval, etc. On a moulé Mila, le corps de Mila, afin qu'on puisse faire des essayages 15 fois par jour sans elle, et ne lui faire des essayages que quand le produit était pratiquement fini. L'actrice Mila Jovovich a donc mis son épée au service de son Roméo, Luc Besson, comme Jeanne d'Arc avait mis la sienne au service de son gentil dauphin. Chez Gwenaëlle Soublin, c'est plutôt une Kalachnikov que la pucelle s'apprête à empoigner au nom du grand guide. Le grand guide. Tu pues, Jeanne. Je m'appelle Jeanne. Regarde-toi, tu as les lèvres bleues. Tu pues, oh comme tu pues. Tu ressembles aux habitants du sud, avec ta tenue volée et ton odeur de vache morte. Tu infectes. J'ai un message. Tu nous fatigues, moi, mes soldats. Tu nous fatigues à ne pas répondre aux questions, tu comprends ? Tu n'as donc pas peur ? Dieu a un message pour vous. Qui t'a dit que nous étions ici ? À qui appartiens-tu ? Que faisais-tu seul et armé dans la steppe ? Je vous cherchais. Tu es une fille du sud ? Où sont tes camarades ? Réponds. Je suis des vôtres. Ah bon, tu es des nôtres. Alors où est ton mari ? Mort. Tu mens. Regarde-toi. Je veux une armée. Une armée. 300 soldats suffiront. Pourquoi pas 4000 ? Ils nous ont attaqués. Et elles sont mortes, toutes. Tu viens de la maison des femmes ? Mais moi, je suis vivante. Dieu a un projet pour moi. Ah oui. Dieu n'a aucun projet pour toi en dehors de la procréation. Je ne suis pas une femme. Je vois pourtant bien tes seins. Je suis la pucelle. Nous allons te réintégrer dans une nouvelle maison. Ne t'inquiète pas. Je suis la pucelle. Prends un bon mari et donne des enfants à ton Dieu et à la steppe blanche. Dieu ne parle qu'au guide. Il ne te parle pas à toi. Je suis sa messagère. Tu es sa messagère. Parfait. Très bien. Alors que te dit-il ? Que te dit Dieu de si important qu'il ne m'a pas déjà dit directement à moi, le grand guide ? Qu'est-ce que Dieu veut placer dans ta bouche plutôt que dans mon oreille ? Dis-lui de parler. Vas-y. Je ne peux pas ordonner à Dieu. Mais si, tu peux. Je ne peux pas. Si Dieu a un message urgent pour moi, je veux qu'il parle, tout de suite. Il dit que je suis Jeanne. Il dit que j'ai 15 ans. Approche. Vous n'êtes pas le grand guide. Crois-tu que nous faisons venir les filles comme toi de si loin pour faire la conversation avec elles? Tu n'entends rien. C'est vous qui n'écoutez pas. Peut-être. Tu as raison. Peut-être que je n'écoute pas. Tu veux une armée? Tu dis que Dieu te parle? D'accord. Alors, voilà ce que je vais faire, moi, pour toi, parce que je suis un bon guide. Je vais te donner une arme. Pas une armée, une arme. Et demain, je dirai à mes soldats de te déposer dans la steppe blanche, au sud. Et là, tu iras droit vers les habitants du sud, tout droit vers les montagnes où ils se sont cachés. Et tu reprendras la steppe du sud pour nous, puisque tu as raison et que tu entends Dieu. Mais tu reprendras la steppe seule. Enfin, seule, pas tout à fait, non. Puisque Dieu est avec toi. Tu n'as pas besoin d'une armée. Dieu est là, c'est suffisant. Si nos soldats ont foi en toi, ils te suivront, le cas contraire... Mais si tu t'empares de la steppe, si tu reviens victorieuse, je te jure, la pucelle, je jure sur Dieu que je ferai de toi ma femme. Alors, ma chérie, tu auras enfin la vie que tu mérites. Tranquille, rangée, au chaud avec nos beaux bébés, je t'achèterai un manteau Hermès. Ma chérie, tu vivras bien. Comme la pucelle de Gwenaëlle Soublin, la véritable Jeanne s'est sans doute vue promettre monts et merveilles par Charles VII, jusqu'à ses premières défaites. Ensuite, elle a été abandonnée à ses ennemis et à la nuit. Cette nuit que chante aujourd'hui Ophélie de la Fenêtre, une adolescente rouennaise que je rencontre place de la Pucelle alors qu'elle répète le spectacle Jeanne d'Arc, l'opéra rock. Tu dis là... Ah oui, non, mais je sais pas, je pensais que tu t'es chauffée d'abord, moi. Non. Alors, 3, 4... Avec mes cheveux courts et mes habits de garçon, j'ai oublié l'amour, j'ai perdu la raison. Pour une année de guerre et une année de prison, aux portes de l'enfer où sont mes illusions. Tout est allé si vite, je n'ai pas senti les coups. Là, j'ai oublié. J'ai eu un trou. C'est pas grave. C'était quoi après? Alors moi, je me souviens déjà, Jeanne d'Arc, c'est commencé par un tirage au sort en classe où fallait piocher. On avait un personnage historique, il fallait faire un exposé. Donc, j'ai commencé comme ça, je suis tombée sur Jeanne d'Arc. Et un week-end, on s'est dit en famille, ah non, faut que l'exposé il soit carré, je vais avoir une bête de notes, allez, c'est parti. Et on est parti faire tout le week-end les visites à Rouen. Voilà, c'était super cool. Hein. Et puis... Je dirais 8 ans après, je me retrouve Jeanne d'Arc. Est-ce que c'est un signe? Je ne sais pas. Ça m'a paru une évidence, en fait. Alors, j'entends pas des voix, mais peut-être que les évidences, ça faisait peut-être aussi partie de l'histoire de Jeanne d'Arc. Et voilà, et j'entends pas, non, de voix dans le jardin de mon père. On est à Rouen, donc c'est pas non plus... Voilà, c'est quand même considérable à prendre... à prendre comme rôle. Et après, il y a toute la documentation, toute l'histoire de Jeanne d'Arc à prendre en considération, s'en inspirer. Et là, c'est autre chose, parce que moi, je ne suis pas née Jeanne d'Arc. Moi, je suis de Grand-Queville, donc de Rouen, voilà. Bon, c'est pas là où elle a... Ça reste la ville phare, parce que malheureusement, c'est une ville malheureuse pour elle. Voilà, donc, c'est vrai que je ne suis pas de Chidon, je ne suis pas de Dorémy, mais voilà, je suis de Rouen, et puis je pars du principe que malgré tout, aussi lointain en soit l'époque, c'est un hommage. 3, 4. Avec mes cheveux courts et mes habits de garçon, j'ai oublié l'amour, j'ai perdu la raison. Pour une année de guerre et une année de prison, aux portes de l'enfer où sont mes illusions. Tout est allé si vite, je n'ai pas senti les coups. Est-ce que mon seul mérite, c'est de rester debout? Ai-je bien du courage ou juste un petit innocence? Si tous ces beaux messages n'ont aucun sens, vienne la nuit que mes doutes s'évanouissent, que je retrouve la paix, que je résiste à ces démons maudits qui hantent ma vie. Qu'importe le bourreau, s'il faut brûler la sorcière, est-ce que le monde est beau après toutes mes prières? J'ai pas connu la peur, je n'ai pas connu la gloire. J'ai fait battre mon cœur pour une chanson bizarre. Toute seule dans le silence, dites-moi ce qu'il m'arrive. J'ai perdu la confiance, je sens que je dérive. Je n'ai plus d'horizon, je ne vois plus de rivage. Donnez-moi une raison pour ce naufrage. Vienne la nuit que mes doutes s'évanouissent, que je retrouve la paix, que je résiste à ces démons maudits qui hantent ma vie. Oh, vienne la nuit que mes doutes s'évanouissent, que je retrouve la paix, que je résiste à ces démons maudits qui hantent ma vie. Vienne la Jeanne ne cesse de se réincarner, à Kaboul, Denver ou Paris. Mais la ville de son supplice reste un terreau fertile. Comme en témoigne le jeune metteur en scène rouennais Thomas Joly, qui l'a fait brûler sur les planches dans sa version gargantuesque et échevelée du Henri VI de Shakespeare. Tu es une Amazone! Et tu combats avec l'épée de Déborah! La mère de Dieu me seconde! Sans elle, je serais trop faible! Quel que soit l'être qui t'assiste, tu dois maintenant m'aider! Je brûle pour toi d'un désir impatient! Tu as soumis d'un seul coup, et mon cœur, et mon bras, excellente pucelle! Si tel est ton nom, laisse-moi être ton serviteur, et non ton souverain. C'est le dauphin de France qui te supplie ainsi. Je ne dois pas céder au rite de l'amour, car je tiens ma vocation d'en haut. Quand j'aurai chassé d'ici tous tes ennemis, alors je songerai à une récompense. D'abord, c'était le choix d'une actrice, Flora Diguet. Et c'est beaucoup d'elle, en fait, que c'est venu. Par exemple, elle est arrivée un jour avec cette perruque bleue, en forme de casque, une espèce de coupe au bol, mais bleu. Il y avait le bleu royal, et il y avait ce tout petit pas de côté, celui que nous proposait de faire Shakespeare, puisque le personnage n'est pas sauvé dans la pièce de Shakespeare. Il est moqué, etc. Il y avait ce côté grotesque qui a été amené par cette perruque bleue, qu'elle retirait à la toute fin. Et Flora, comme beaucoup d'autres actrices qui ont interprété ce rôle, est allée jusqu'au bout du rôle en se rasant la tête pour jouer. J'avais pas demandé ça, et elle est arrivée un jour en me disant, et tu sais quoi, pour la dernière scène, j'aurai la tête rasée, je vais me raser les cheveux vraiment. Et elle retirait cette perruque bleue comme cette espèce de costume, comme cette espèce de panoplie, en fait, de la guerrière, de l'icône Jeanne d'Arc, et pour laisser voir en dessous la personne, la femme, l'humain qu'elle était. Donc c'est beaucoup l'actrice qui a construit le personnage. Flora Diguet est une actrice qui est tatouée. Je trouvais que c'était assez intéressant, ça, de laisser ses tatouages à vue, parce que ça créait une étrangeté, parce que évidemment, il n'y avait pas les tatouages à l'époque. Jeanne d'Arc n'était certainement pas tatouée. Mais moi, ce que j'aime dans Jeanne d'Arc, dans ce qu'il en fait Shakespeare, et puis dans ce que moi j'en imagine, c'est que c'est une personne qui est libre, en fait. Faut-il abandonner Orléans ou pas ? Non, vous dis-je ! Renégat sans foi ! Battez-vous jusqu'au dernier souffle, je vous protégerai. Ce qu'elle dit, je le confirme, nous lutterons jusqu'au bout. Je suis destinée à être le fléau des Anglais. Cette nuit, c'est sûr. Je ferai lever le siège. Attendez-vous à un été de la Saint-Martin et au jour de l'Alcyon, puisque je suis entrée en guerre. La gloire est comme un cercle dans l'eau qui ne cesse de s'agrandir pour, à force de s'étendre, s'évanouir dans le néant. Avec la mort d'Henri, le cercle anglais s'efface. Dispersées sont toutes les gloires qu'il portait en lui. Je suis désormais comme ce fier et insolent vaisseau qui portait à la fois César et son destin. Si c'est une colombe qui inspirait Mahomet, toi c'est un aigle qui t'anime. Ni Hélène, la mère du grand Constantin, ni les filles de Saint-Philippe ne t'égalèrent. Brillante étoile de Vénus tombée sur la terre, comment puis-je te révérer avec assez de dévotion ? Assez perdu de temps, allons lever le siège. Femme, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour sauver notre honneur. Chasse-les d'Orléans et deviens immortel. Essayons sans plus tarder. Allons en avant. Alors déjà, selon Shakespeare, faut préciser à mon avis que c'est plutôt selon Hall et Holinshed qui sont les deux premiers chroniqueurs de l'histoire de l'Angleterre à l'époque dont s'inspire Shakespeare. Et évidemment, c'est un point de vue anglais. On va dire qu'on est 150 ans environ, 200 ans après les faits. Donc c'est la sorcière, la putain, un personnage grotesque joué par un homme à l'époque en plus, et c'est une vision de Jeanne d'Arc, un lynchage clairement du personnage qui est vraiment la caution comique et oui grotesque de la pièce. Ce qui est assez beau, c'est qu'il en fait une intrigante qui a le sens du verbe et qui manipule ses ennemis et ses alliés, hein, et l'armée française avec le verbe. Et dans la pièce, Shakespeare la jette dehors. On parle d'un bûcher, on dit brûlez-la sur le bûcher, etc. Et elle sort en coulisses en criant, en étant complètement hirsute. Et moi, je l'ai un peu réhabilité, j'avoue. Parce que ce personnage me touche au sens où il est juste un... Pour moi, c'est un passe-plat. Je sais pas comment dire. C'est un. En fait, elle répond à une prophétie qui traîne dans les parages qu'une pucelle sauverait la France. C'est elle. On l'a choisie et elle devient l'étendard de cette prophétie-là et une espèce de souffle, une énergie politique et guerrière surtout pour le pays et pour la réhabilitation du roi. Et ce qui est étonnant, c'est que déjà à l'origine, c'est ça et c'est toujours ça. Et donc, ce personnage, il est quand je dis c'est un passe-plat, c'est-à-dire qu'il il est utilisé, il est manipulé, il change de forme, d'idée, de vie, selon ce qu'on a besoin de dire ou besoin de faire entendre, comme faire passer comme message. C'est un costume, c'est une pub, c'est du marketing. Enfin, en tout cas, le personnage de Shakespeare, c'est une femme manipulée dont on use. Et j'avais envie, c'est que ces deux derniers vers qui sont « Mais vous tous, je vous maudis, puisse le glorieux soleil ne jamais resplendir au pays où vous avez votre demeure, que les ténèbres et le désespoir vous entourent et que vous finissiez par vous rompre le cou ou vous pendre. Je crois que c'est les derniers mots de Jeanne d'Arc dans la pièce Henri VI. Et donc voilà, on a ri, on s'en est moqué, et puis en fait finalement à la fin elle est juste brûlée comme une ordure, et comme on brûle une ordure, et j'avais envie qu'en brûlant elle dise cela au personnage, mais à nous tous aussi, et aussi au regard de l'histoire. Alors ça pourrait pas être prétentieux de dire ça, mais parce que moi je crois qu'elle vaut mieux que ce qu'on en a fait. Intermède 4. L'image est en train de faire le tour des réseaux sociaux. Une femme au milieu des balles, titre les actus. Hashtag insoumise, hashtag liberté. Un petit groupe a été aperçu au milieu des steppes. Ils sont très chichement armés. La jeune femme qui mène le groupe possède une Kalachnikov, un très vieux modèle. Nous avons vraisemblablement affaire aux habitants du Sud. Les habitants du Sud vivent reclus dans les montagnes du Sud du pays. Depuis des semaines, le groupuscule Steppe Blanche et les habitants du Sud se livrent bataille dans la région du Sud. Les dernières nouvelles laissaient augurer le pire jusqu'à l'arrivée de cette jeune fille, cette jeune femme. C'est insensé, véritablement insensé. Elle est jeune, elle est très jeune, très très jeune. Une Française d'Orléans l'a identifiée comme étant sa fille, disparue il y a un peu plus d'un mois. Je m'interroge. Qu'est-ce que cette jeune fille, cette adolescente plutôt, fait en pleine steppe glacée, loin de chez elle, à diriger ses hommes et ses femmes? C'est du jamais vu. Depuis 2 ans, le groupuscule Steppe Blanche s'est imposé dans le nord et à l'est du pays et tente d'imposer ses vues à la population locale. Selon le philosophe Hakim Kamara, les fidèles de cette secte viennent de loin, très loin, pour rallier cette utopie dont le projet politique phare est de redonner à Dieu une terre et à ses fidèles la promesse d'une joie retrouvée loin du consumérisme capitaliste. Les habitants du Sud n'ont jamais renoncé au combat. Le gouvernement du pays est soupçonné d'entretenir des liens d'intérêt avec le groupuscule Steppe Blanche. Qui mettra un terme à ce conflit sanglant qui dure depuis des mois ? Plusieurs adolescentes du lycée Prévert d'Orléans disent avoir reconnu la jeune femme. Jeanne, retenez ce nom. Elle a les cheveux courts, elle porte une casquette siglée. Regardez, on dirait un aigle, un soleil. Sur ses épaules, une veste militaire avec des boutons métalliques, des manches grises, une ceinture cloutée en cuir noir épaisse. On dirait qu'elle porte un gilet pare-balles. Une large tache de sang mouille son gilet au niveau du cœur. Qui aura enfin le culot de nous mener vers un avenir réenchanté? C'est une tenue militaire d'homme. Grâce au zoom, vous pouvez encore observer la fameuse tache brune à l'endroit du cœur. La tenue androgyne de cette jeune fille a déjà été reprise par le créateur Pierre-Marie de Saint-Germain pour son nouveau défilé. C'est un miracle! Un miracle! Écoutez, oui, on parle de miracle, et le mot n'est peut-être pas assez fort pour décrire ce que les caméras de nos confrères allemands ont réussi à filmer. La chute de ces deux bombes aériennes. La chute de ces deux bombes aériennes lancées par le groupuscule Steppe Blanche sur la petite armée des habitants du Sud. Ces deux bombes lourdes qui auraient dû causer la mort du petit groupe, et ces bombes qui n'explosent pas, oui. Revoyons le ralenti sur les images. Ces bombes qui restent intactes et cette jeune adolescente qui sourit. Il est impossible de déterminer pour le moment ce qu'il vient de se passer exactement. Les experts sont en train d'analyser les images. C'est extraordinaire. L'armée des habitants du Sud est en train de reconquérir les terres du Sud, nous venons de l'apprendre. Ils sont en route vers le Nord. La reconquête du Nord. Le petit groupe n'a plus peur de rien et vient en aide aux habitants du Nord du pays. Freedom, titre Télégraphone. Jeanne l'éclairée, titre La Rumeur. Il faut arrêter le marketing autour de cette adolescente écervelée qui ne rêve vraisemblablement que de célébrité. 15 ans, ce n'est pas rien, 15 ans. C'est déjà quelque chose. Certains l'appellent Sainte-Jeanne, mais qui est-elle? Qui est-elle vraiment? On parle déjà de cette photo comme de l'image du nouveau millénaire. Les drones prennent des clichés extrêmement précis maintenant. Cette photo de Jeanne, son sourire, et les bombes intactes, sa tache au cœur, c'est assez indescriptible. Vous voulez mon avis? C'est une supercherie médiatique. Les habitants du Sud ont trois objectifs concrets. Le charbon, l'or et le pétrole. Rien de plus. 121 morts à déplorer après cette 10e journée de combat dans le Nord. Le Premier ministre devrait prendre la parole sur la position de la France vis-à-vis de sa compatriote Jeanne très bientôt. On dit que l'armée du Sud se dirigerait à présent vers l'Est après ses victoires dans le Nord. De nombreux locaux rejoignent l'armée du Sud, galvanisés par leur récente victoire contre le groupuscule Steppe Blanche. Leur armée est plus tenace que jamais. 34 millions de likes. C'est miraculeux. La bataille dans l'Est aurait déjà fait 45 morts et une vingtaine de blessés du côté de l'armée du Sud. À Orléans, un rassemblement en l'honneur de Sainte Jeanne a eu lieu devant la cathédrale. Alors Jean-Marc, c'est plutôt bandant une nana en treillis, non? Icône politique et médiatique, Jeanne d'Arc agite le grand public. Ici, dans sa patrie, mais aussi à l'autre bout du monde, au Japon. Ce qui amuse beaucoup la poétesse et essayiste Ryoko Sekiguchi. Souvent, c'est vrai que les Japonais, quand on la première chose que qu'ils disent à son interlocuteur, ah oui, j'aime beaucoup la France, j'aime beaucoup Bonaparte et Jeanne d'Arc. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est drôle et, parce qu'on a enfin on a appris autre chose, mais que finalement c'est ça qui reste chez les Japonais. C'est peut-être cette double image qui nous intéresse, non? C'est à la fois une jeune fille mais qui se bat, à la fois c'est une femme forte mais qui perd. On ne peut pas avoir une seule image, on ne peut pas avoir une étiquette finalement. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'elle a été utilisée mais vraiment beaucoup enfin dans la culture de masse japonaise, parce que elle se prête à des interprétations mais vraiment multiples. La figure de Jeanne d'Arc était mais utilisée, le passé dans toutes les sauces possibles et imaginables, surtout dans les mangas, mais aussi dans les romans. Par exemple, il y a un romancier qui a écrit l'histoire d'amour entre Jeanne d'Arc et un mercenaire de la troupe de roi, et voilà, qui la sauve, etc. Et puis à qui la retrouve. Je ne sais pas si vous connaissez Takarazuka, c'est une troupe de théâtre qui est constituée seulement avec les filles et qui joue bien sûr les rôles des hommes aussi, et donc qui a mis ce roman de mercenaires d'histoire d'amour de mercenaires et le Jeanne d'Arc donc en pièce de théâtre, mais pièce de théâtre, c'était les filles qui en général jouent les rôles d'hommes qui joue le rôle de Jeanne d'Arc, qui joue le rôle de... Voilà, donc c'est le perversité à son comble, est à son comble. Enfin, selon les genres d'auteurs qu'il traite, donc le traitement est différent. C'est-à-dire que pour les hommes, ça peut être à la limite un peu pornographique, parce que, une vierge qui se combat et puis qui est armée comme vous voulez, en fait. Donc là, ça peut dévier très très loin. C'est un autre manga qui a donc justement, vous voyez comment la fille qui est pris comme modèle de Jeanne d'Arc est habillée un peu, enfin moitié, enfin très sexy, mais en même temps. En même temps armé, donc il y a cette image-là qui est quand même commune chez Jeanne d'Arc pour les garçons. Donc c'est Jeanne d'Arc version garçon. Donc il se réveille et donc le onomatopée c'est Gaba. Et Watashi wa doko ni iru no? Jidore wa doko? Bah minna koroshite yaru, hainal made koroshite yaru. Toka. Alors je vais les tuer, les réduire en cendres, tous jusqu'au dernier. Pour les filles, elles peuvent avoir une image complètement différente. Parce que justement, ça représente une femme qui est trop forte pour être acceptée, qui a une idée peut-être trop dérangeante, qui peut être reconnue dans une société. Et donc, forcément, les romancières, les dessinatrices se posent la question, focalisent sur cette image de Jeanne d'Arc qui est un peu enfin, mis à l'écart de la société, une sorte d'outsider, et enfin, qui n'est pas outsider parce qu'il a joué un rôle, mais qui finalement, qui a été écarté. Donc, je pense que c'est ça surtout, je pense, qui intéresse les créatrices, qui à la fois la considère soit la sainte, soit la sorcière, soit la folle. La passion, c'est vrai, des Japonais pour cette figure. Anissa prend son téléphone et le cale avec une perche sur son bureau. Elle s'installe dans son fauteuil de bureau et appuie sur « Record on » parle. Je m'appelle Jeanne 22. J'ai 16 ans. Je fais partie du groupe Les Jeannes. Notre inspiratrice est Sainte Jeanne, dite Jeanne 1. Comme elle, nous avons vu la lumière puis quelqu'un a appuyé sur l'interrupteur. Depuis, nous vivons dans le noir. Demain, je placerai sur moi une charge explosive. Comme Jeanne une il y a 20 ans, nous n'avons plus la foi. Nous voulons oublier notre non-existence et brûler dans des flammes qui calcineront le monde et nous avec. Nous avions pensé avoir la foi, mais nous voulions juste planer, prendre notre rail de ciel et faire grimacer les paysages moroses de notre quotidien. Comme Sainte Jeanne, nous pensons que la vie ne suffit pas à vivre. Dieu n'est pas là. Je m'appelle Jeanne 22. Je suis pucelle. Mais demain, à 10h, devant la cathédrale d'Orléans, je ferai l'amour avec moi-même. Je ne donnerai pas d'enfant à votre planète surchauffée. Mon hymen pètera en même temps que l'acide nitrique cuira mes ovaires. Et je me déchirerai de l'intérieur pour vous dire que j'emmerde la survie de l'espèce. Nous sommes nos propres déesses. Dépucelons-nous de nous-mêmes. Il n'y a pas de possible. Il n'y a pas d'alternative. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de boucler la boucle, quoi. C'est qu'on finisse là où on avait commencé, presque. Si ce n'est qu'entre deux, une grande aventure a eu lieu, une grande quête a eu lieu, mais une quête un peu ratée, quoi, un peu vaine, d'une adolescente qui finalement n'a pas trouvé de sens. Et donc, on en revient dans une même chambre d'adolescente avec une autre jeune fille, Anissa. On comprend que bien du temps a passé et que notre Jeanne. Ben, est devenue une sorte d'icône. Une sorte d'icône comme ça qui inspire des adolescentes pour commettre, je sais pas, c'est pas forcément des attentats puisqu'elles font de mal à personne, mais en tout cas, Jeanne est devenue une inspiratrice pour dire que, en gros, la vie n'a pas de sens. et qu'il n'y a pas de sens à trouver. Donc, d'une quête de sens, de base, qu'on avait avec, avec Jeanne, on en finit sur presque un nihilisme adolescent qui dit qu'il n'y a pas de sens à trouver. Et Jeanne raconte le non-sens, au final, pour ses adolescentes. Et c'est la façon dont elle se la réapproprie et dont elle la récupère. Et c'est une récupération. Parce que, est-ce que c'est ça que Jeanne nous raconte à travers sa quête ? Peut-être. Peut-être pas. Est-ce que c'est celle d'une déperdition de sens ? Est-ce que c'est celle d'une perte d'un dieu ? D'une perte de la foi ? D'une perte du monde, peut-être ? Ces adolescentes ont le droit de le penser. Mais ça reste une interprétation. Oui, il est temps de boucler la boucle. Mais si la mort de Jeanne d'Arc résonne dans l'esprit d'une jeune dramaturge avec celle des adolescentes radicalisées et kamikazes d'aujourd'hui, une autre interprétation est possible. Je ne peux en effet me résoudre à laisser Jeanne à ceux qui crient « Vive la mort !». Il est une vision plus solaire de son destin. C'est celle que je suis finalement allé chercher loin de la Meuse, sur les bords de la Marne, auprès d'un troubadour pop au cœur non pas en forme de grenade, mais grenadine, Laurent Voulzy. Lui qui a dédié à la Pucelle une ode, une ballade, comme une invitation à continuer la route dans l'ombre insaisissable de Jeanne. Ça m'est arrivé un soir, et je cherchais par quel mot j'allais commencer la chanson. Ça faisait une bonne semaine, peut-être 10 jours, 10 soirs, que quand je rentrais du studio, je cherchais par quel mot j'allais commencer la chanson. Et je me suis endormi. Et je ne sais pas combien de temps. Il était 2 heures du matin, je me suis endormi. Et d'un seul coup, j'ai entendu dans ma tête Jeanne. J'ai vraiment entendu Jeanne, je peux pas vous dire si c'était une voix d'homme ou de femme, et c'était tellement particulier, une espèce de présence incroyable, et ça m'a réveillé, et c'était une évidence, quoi. Cette voix était une évidence, et tout de suite j'ai écrit mon rêve. Et donc là, je note Jeanne, et je me dis, mais c'est le premier mot de la chanson. Je savais pas que j'allais faire une chanson qui parlait de Jeanne. Pourtant, l'album était axé sur le Moyen-Âge, quoi. C'était la trame. Mais j'avais pas encore pensé à Jeanne. Et là, je l'ai entendu en rêve. Et ça m'a paru une évidence, quoi. Jeanne, enfin je vais vous dire combien je soupire. Vous êtes si loin d'ici. Vous n'êtes qu'une image perdue dans les âges. Et moi dans l'amour. Je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Depuis que je suis enfant, je suis fasciné par Jeanne d'Arc. Vous savez, on a des héros quand on est enfant. Je voyais un feuilleton à la télé, c'était Yvan Noé. Donc j'étais fan d'Yvan Noé, donc d'ailleurs je l'ai dit à Roger Moore quand je l'ai rencontré. D'ailleurs je lui ai chanté une chanson à la télé, sur la musique d'Amicalement Vôtre. Je lui ai dit que c'était mon héros quand j'étais à l'école. Et je crois qu'il avait été ému quand j'avais chanté la chanson. Et puis, il y avait Jeanne d'Arc. En fait, j'étais toujours très très attiré, je dis pas passionné du tout, mais... attiré par le Moyen-Âge, depuis que je suis enfant. Donc ma mère avait 7 volumes d'Histoire de France, des vieux bouquins de 1880, et donc je lisais, ça m'intéressait, je m'intéressais beaucoup moins, après Napoléon, ça m'intéressait beaucoup moins, et puis ensuite je me suis aperçu que je ne lisais que la partie, la grande période du Moyen-Âge, qui a duré quand même quelques siècles, mais enfin c'est cette période-là, j'ai regardé les costumes, les châteaux, tout ça, ma mère m'avait offert un château fort, je jouais qu'avec ça à un moment et tout. Mais en fait, ça a duré toute ma vie, quoi, si vous voulez. Vous savez, quand j'ai appris à jouer de la guitare, quand j'avais 15 ans, je pouvais tomber amoureux d'une fille, par exemple. Ça pouvait arriver tous les 4 mois, par exemple. Enfin, je la trouvais jolie, puis elle faisait battre mon cœur et tout. Donc, je composais une chanson. Donc, c'était un côté troubadour, quoi. Avec l'amour jamais accompli, quoi. Donc, comme les troubadours, c'est-à-dire la quête perpétuelle, quoi. C'est... Mais je m'en suis aperçu, j'avais déjà 50 ans, en lisant les troubadours, en lisant que c'était la quête perpétuelle, mais l'amour jamais accompli, je me dis, mais c'est moi, quand j'ai commencé à jouer de la guitare, ou presque maintenant, quoi, une espèce de quête perpétuelle, mais je crois pas que j'étais chevalier, que je ne serais pas chevalier, mais j'ai un côté sûrement un peu troubadour, ouais, sûrement, ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est l'héroïne parfaite, quoi, c'est... Elle est jeune, elle meurt jeune, elle est assez pure dans la tête, elle est, je dirais pas anticléricale, mais en tout cas, elle était pas tellement d'accord avec les prêtres qui l'ont jugée, quoi. Et ouais, c'est pour moi, c'est l'héroïne idéale, quoi, ouais. Mais j'ai une espèce de passion pour elle, quoi, ouais, vraiment. Ouais, Jeanne d'Arc, ouais. Ouais. Et puis alors, bon, en plus de ça, c'est quand même très très mystérieux, quoi. J'ai lu beaucoup beaucoup de livres, j'en ai partout, mais... Et je lis sur Internet, j'écoute des gens parler et tout. Il y a un truc très mystérieux qu'on ne comprend pas. Il y a des choses incompréhensibles chez elle, quoi. C'est et comme j'adore le mystère, il y a quelque chose de mystérieux chez Jeanne d'Arc, quoi. Jeanne, enfin je vais vous dire combien je soupire. Vous êtes si loin, si loin d'ici. Des siècles nous séparent. Mon cœur s'égare, un amour subtil l'a pris, et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie, et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. J'aurais aimé vous. Il se trouve que vous avez réuni le Moyen-Âge, la pop, la chevalerie, la mystique, ouais. En jouant au fait Jeanne d'Arc d'Orléans, dans la cathédrale. Vous avez le souvenir de ce moment-là un peu particulier, d'hommage? Bah un peu, oui. Bah oui. Alors la cathédrale d'Orléans, c'était merveilleux. On m'a demandé si je voulais chanter pour les fêtes de Jeanne d'Arc. J'ai bu du petit lait, là, quand on m'a dit ça. Donc, évidemment que j'ai dit oui, quoi. Donc, on a remonté, on a répété 3 jours avec les musiciens. Puis on est allé jouer là-bas et c'était un moment merveilleux. Et l'apothéose, ça a été au moment de Jeanne, à la fin de Jeanne. Ils ont ouvert les portes de la cathédrale. Et Jeanne d'Arc est rentrée à cheval, en habit, dans la cathédrale jusqu'à moi. Alors là, c'est quand même grandiose, quoi. C'était quand même presque Jeanne d'Arc. Une jeune fille qui est arrivée à cheval, avec son épée, comme ça. Mais c'était un moment... J'adore. J'ai défilé pour Jeanne d'Arc quand j'étais à l'armée. J'étais à la grosse caisse, parce que j'étais à la fanfare, j'étais dans un régiment de hussards. Et donc je me souviens d'avoir fait un défilé pour, à l'époque, pendant les fêtes de Jeanne d'Arc. Et là, j'étais en majesté dans la cathédrale, quoi. Non, mais là, c'était un moment très, très fort, très, très fort. Jeanne retrouvée. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime. Un documentaire produit par Martin Kénéen et réalisé par Doria Zénine, avec la complicité de Nazia Magnez et Anouk Renaud. Prise de son, Alexandra Bergel. Mixage, Alain Joubert. Avec la voix de Michel Villermoz de la Comédie Française. Texte extrait de la pièce Pucelle de Gwendoline Soublin et du roman de Jeanne de Lydia Yuknavitch, publié aux éditions de Noël. Rendez-vous sur notre site internet pour retrouver l'ensemble des intervenants et des références bibliographiques, cinématographiques et musicales de cette émission. Jeanne d'Arc, une rencontre. L'intégralité de cette grande traversée se réécoute et ce podcast pour l'éternité et un jour sur franceculture.fr.